إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروا غضبه وأليم عقابه، واعلموا أن الله عز وجل قد أعد دارا يعاقب بها من عصاه، ويعاقب من تمرد على شرعه سبحانه، ومن خالف رسله. جعلها الله سبحانه وتعالى دارا للكفار ومأوى للفجار، إنها النار، وحرها شديد، وقعرها بعيد، وقودها الناس والحجارة، إنها جهنم، إنها الجحيم، إنها الحطمة، إنها سجين، إنها سقر. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. أما مكان هذه النار فإنه سجين في الأرض السفلى. قال عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذه النار هي موجودة الآن، وكل يوم تسجر ويزاد في حرها، وذلك عند زوال الشمس. أما أبوابها فلها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وأما وقودها فإنه البشر والأحجار. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Chers musulmans et musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure dans laquelle il châtiera toute personne qui lui désobéira, toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyé d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a fait de cette demeure une demeure pour les infidèles et un refuge pour les pervers. Cette demeure, chers musulmans et musulmanes, n'est autre que l'enfer, dans lequel réside une chaleur étouffante. L'enfer dont la profondeur est extrêmement grande. L'enfer dont le combustible seront les gens et les pierres. Cet enfer, Allah Azza wa Jalla l'a nommé Jahannam. Il l'a nommé Al-Jahim, la fournaise. Il l'a nommé Al-Hutamah. Il l'a nommé Sidjin. Il l'a nommé Saqar. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Ma'arij, selon le sens: mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera, c'est-à-dire l'enfer, appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Celui qui tournait au dos au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui tournait le dos aux prophètes et envoyés d'Allah en ne leur prêtant pas attention. Quant à l'endroit dans lequel se trouve cet enfer, il se trouve dans Sidjin, dans la septième terre. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: le livre des Fujjar, c'est-à-dire des libertins, sera dans le Sidjin, et qui te dira ce que le Sidjin. L'enfer, chers musulmans et musulmanes, est existant actuellement à l'heure où je vous parle. Et chaque jour l'enfer est chauffé. Chaque jour l'enfer est chauffé. Et ceci lorsque le soleil atteint son zénith. Quant à ses portes, l'enfer est doté de 7 portes. Chaque porte sera franchie par un groupe de personnes. Quant à son combustible, il sera composé d'êtres humains et de pierres. Il dit à Azzawajal son le sens, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, dont le combustible sera les gens et les pierres. Il s'y trouve là-bas, c'est-à-dire en enfer, des anges extrêmement durs, qui ne désobéissent jamais aux commandements d'Allah et qui font scrupuleusement ce qu'Allah leur ordonne de faire. أيها المسلمون إن جهنم منظرها أفظع من أن يطاق إنها يؤتى بها تجرجر في عرصات القيامة ولها زفير وشهيق يراها الناس عيانا بأبصارهم قال سبحانه وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وأما حرها فلا تسأل عنه لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها وأما قعرها عباد الله وأما قعر النار فبعيد سحيق روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة أي سقطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتذرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها رواه مسلم وأما أهلها فهم صنفان كفار خلص وعصاة المؤمنين فأما الكفار والمشركون والمنافقون فهم مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة من النار. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la vision de l'enfer sera d'une frayeur insoutenable. L'on apportera à l'enfer, le jour du jugement, les gens pourront entendre la fureur et les pétillements de cet enfer. Les gens verront l'enfer de leurs propres yeux. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Et ce jour-là, on apportera le jahannam, l'enfer. Ce jour-là, l'être humain se rappellera. Mais à quoi bon lui servira le rappel à ce moment-là? Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'on apportera le jour du jugement l'enfer, qui sera tenu par 70 000 liens. Chaque lien sera tenu par 70 000 anges qui traîneront cet enfer. Imaginez-vous, chers musulmans et musulmanes, la force et la fureur de cet enfer qui ne peut être contenu et qui ne peut être maîtrisé qu'en étant attaché par 70 000 liens. Chacun de ces liens est tenu par 70 000 anges. Quant à la chaleur de l'enfer, ne demande pas à son sujet si l'ensemble des montagnes étaient jetées dans cet enfer, elles seraient en fusion et elles se seraient dissoutes. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce feu que vous allumez au fils d'Adam n'est qu'un 70e de la chaleur de l'enfer. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, par Allah, le feu d'ici-bas est amplement suffisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: quant au feu de l'enfer, il est 69 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. Quant à sa profondeur, Abu Huraira radiyallahu anhu dit: nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu une chose tomber. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est ceci? Savez-vous à quoi correspond ce bruit que vous venez d'entendre? Ils ont dit: Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu: c'est une pierre qui a été jetée en enfer voilà plus de 70 ans. Et cette pierre n'a cessé de tomber dans les abîmes de l'enfer jusqu'à arriver dans son fond à l'instant. Rapporté par Muslim. Quant aux habitants de l'enfer, il y a les non-musulmans et il y a les désobéissants parmi les musulmans et les croyants. Quant aux non-musulmans, quant aux polythéistes et aux hypocrites, ils y resteront éternellement et n'en sortiront jamais. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal dit son le sens. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent. Pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver, c'est-à-dire en enfer, ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront: hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. Quant aux désobéissants, parmi les musulmans et les croyants, ils seront sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut leur pardonner, leur pardonnera. Et s'il veut les châtier, Allah Azza wa Jal les châtiera alors en enfer. Mais ils n'y resteront pas éternellement. Ils bénéficieront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur permettra de sortir un jour ou l'autre de l'enfer. وأما صفة وجوه أهل النار فإنها كالحة باسرة عليها غبرة ترهقها قترة. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأما طعامهم فبئس الطعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما إنه طعام ينشب في الحلق فلا يخرج ولا يدخل لأنه طعام تعذيب لا طعام تكريم. إنهم يأكلون من شجرة خبيثة تخرج من قعر جهنم. قال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وأما شراب أهل النار إنه الماء الحميم الذي صار يغلي من شدة حره قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Quant au visage des gens de l'enfer, quant au visage des gens de l'enfer, leurs visages seront assombris, leurs visages seront recouverts de poussière, et ils seront recouverts de ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens dans Sourate Az-Zumar: et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah. Tu verras le visage de ceux qui mentaient sur Allah assombri. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a une demeure pour les orgueilleux? Quant à leur nourriture, chers musulmans et musulmanes, ils n'auront d'autre nourriture que des plantes épineuses qui ni n'engraissent ni ne rassasient. Une nourriture qui restera bloquée dans la gorge, ni elle pourra en sortir, ni elle pourra la traverser. C'est effectivement une nourriture punitive et non une nourriture nutritive. Ils mangeront de cet arbre mauvais appelé Az-Zaqoum qui pousse dans les abîmes de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit: quant à l'arbre de Zaqoum, ce sera la nourriture du grand pécheur qui sera comme du métal fondu. Il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Quant à leur boisson, quant aux boissons des gens de l'enfer, ce n'est autre qu'une eau bouillonnante qui bout tellement elle a été surchauffée. Allah Azza wa Jal dit, en parlant des gens de l'enfer, lorsqu'ils demanderont le secours et lorsqu'ils imploreront Allah Azza wa Jal pour boire, car plus il fait chaud et plus l'on a soif. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Kahf: et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، خافوا من النار واحذروها، فإن الله عز وجل قد توعد بها الأولين والآخرين من الجن والإنس، وقد كان السلف يخافون منها أشد الخوف، وهم خير منا وأفضل منا. أما عن كيفية دخول أهل النار لها، قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأما أهون أهل النار عذابا، فقد روى الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. متفق عليه. ثم اعلموا أيها المسلمون أن في النار أنواعا من العذاب وصورا من النكال، إنهم يقيدون بالسلاسل في رقابهم. قال سبحانه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إنهم يسحبون في جهنم على وجوههم إهانة وتعذيبا بل إنها تتغير أبشارهم كلما انشوت من حر النار قال سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous devez redouter le feu de l'enfer et craindre cet enfer, car Allah Azza wa Jal a menacé par l'enfer les premiers et les derniers parmi les djinns et les êtres humains. Et nos pieux prédécesseurs redoutaient fortement l'enfer et le craignaient alors qu'ils étaient meilleurs que nous, alors qu'ils sont plus méritants que nous. Quant à l'entrée des gens de l'enfer en enfer, ils y rentreront de façon humiliée, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens, quand ceux qui auront mécru seront conduits par groupe en enfer, jusqu'à y parvenir, alors les portes de l'enfer s'ouvriront, et les gardiens de l'enfer leur diront, un prophète ne vous était-il pas parvenu? Un prophète qui vous récitait les versets de votre Seigneur et vous mettait en garde, et vous avertissez de la rencontre de votre jour que voici. Ils diront si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les infidèles. Il leur sera dit alors, rentrez par les portes de l'enfer, dans lequel vous y resterez éternellement, et quelle mauvaise demeure pour les orgueilleux. Quant à l'habitant de l'enfer qui subira le plus petit châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim. Selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, l'habitant de l'enfer qui subira le châtiment le plus doux et le plus petit sera un homme qui viendra le jour du jugement et seront placés en dessous de chacun de ses pieds une braise. Son corps ne cessera de chauffer jusqu'à ce que son cerveau se mette à bouillir. Comme une marmite boue lorsque l'eau arrive à ébullition. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il y a d'innombrables formes de châtiments et de supplices en enfer. Les gens de l'enfer seront attachés. Ils seront attachés par des carcans posés sur leur cou. Il dit subhanahu wa ta'ala, quand des carcans à leur cou, et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante et qu'ensuite ils brûleront en enfer. Ils seront traînés en enfer sur leur visage. Ils seront jetés en enfer de façon humiliée, wal'iyadu billah. Plus encore, lorsque leur peau aura été consumée par le feu de l'enfer, Allah Azza wa Jal leur donnera une nouvelle peau afin qu'ils goûtent le châtiment. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens dans sourate An-Nisa, ceux qui ont mécru en nos signes, nous les amènerons en enfer. À chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons alors une peau autre que celle-ci afin qu'ils goûtent le châtiment. Allah est certes le Tout-Puissant et le Très Sage. أهل النار يصيحون ويزفرون ويتمنون الرجوع ولكن هيهات. قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن حزنهم يزداد وشقاؤهم يتضاعف. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. رواه البخاري ومسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les gens de l'enfer hurleront de toute leur force. Ils crieront de douleur. Ils crieront en appelant au secours. Et ils espéreront revenir dans cette vie d'ici-bas afin d'œuvrer de façon complètement différente de la façon dans laquelle ils œuvraient dans cette vie d'ici-bas. Mais le temps est écoulé et les occasions ne sont plus à disposition. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens dans sourate Fatir, le verset 37, un verset effrayant dans lequel Allah azza wa jalla dit: et là ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Puis il leur sera dit: ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu et bien goûté, c'est-à-dire à votre punition, car pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Les anges leur diront: une vie suffisante ne vous avait-elle pas été accordée dans cette vie d'ici-bas? Que diront ceux qui ont vécu 40 ans, 50 ans, 60 ans? 60 années, chers musulmans et musulmanes, ne sont-elles pas suffisantes pour que réfléchisse le doué de raison, pour que revienne à la vérité celui qui est dans l'erreur, pour que se repente celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? 20 ans, 20 années ne sont-elles pas suffisantes? Il leur sera dit: ne vous avons-nous donc pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Et en plus de cela, indépendamment de cette vie longue qui est amplement suffisante à la réflexion et à la remise en cause, un avertisseur cependant vous était venu. Une personne est venue vous avertir, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vous enseigner tout le bien et est venu vous mettre en garde contre tout le mal. Cet avertisseur vous a-t-il été envoyé, oui ou non? La réponse est oui. Cet avertisseur alayhi salatu wa sallam a-t-il accompli sa mission de la meilleure des façons? La réponse est oui. Et il a pris Allah Azza wa Jal comme témoin d'avoir transmis le message d'Allah comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné de le transmettre. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Cela ne s'arrête pas là. Leur détresse et leur malheur sera décuplé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les habitants du paradis seront au paradis et lorsque les habitants de l'enfer seront en enfer, l'on apportera la mort et l'on la placera entre le paradis et l'enfer. Puis la mort sera égorgée. Et un appeleur dira, ô vous les gens du paradis, point de mort. Puis il s'adressera aux gens de l'enfer en leur disant, ô vous les habitants de l'enfer, point de mort. C'est alors que les habitants du paradis seront beaucoup plus joyeux qu'ils ne l'étaient, car ils prendront conscience que les délices dont ils jouissent dans ce paradis seront des délices dont ils pourront jouir de façon éternelle sans que cela ne puisse s'interrompre un jour ou l'autre. Et les gens de l'enfer, leur angoisse, leur peine, leur désarroi sera décuplé et sera ajouté à leur détresse lorsqu'ils apprendront qu'il n'y a plus de mort et que ce châtiment insoutenable qui leur est infligé matin, midi et soir, un châtiment soutenable, insoutenable, qui ne connaît aucun répit, eh bien ils le subiront de façon éternelle. Wal'iyadu billah. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.